Un an plus tard, cette fois, vous ne faites plus l'amour. Il vous a préparé un petit dîner rien que pour vous. Ok, il a fait un 4 quarts en guise de dessert. Mais c'est quand même 4 fois moins pire que l'année dernière. Du coup, vous lui demandez sa main, allez en plage 26. C'est plutôt à lui de le faire, allez en plage 28.